bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres, encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Deuxième épisode. Depuis que le voyage a commencé, 5 jours plus tôt, Franz a eu beaucoup de temps à partager avec ceux qui ont gagné leur place comme lui, les heureux gagnants. 28 personnes de la trentaine à plus de 65 ans. Il y avait eu un peu d'espoir du côté de la jeunesse. Un bref espoir. 4 jeunes, un couple et 2 filles. Franz se les prend très vite en grippe. Il décide de les juger suffisamment tête à claque, malgré le plaisir qu'il prend à détailler les 2 filles et à les déshabiller virtuellement, surtout la brune, dont la poitrine opulente ne le laisse pas indifférent. Et puis il y a cet autre couple, hors catégorie, un père et sa fille, Dimitri et Vera Krenov. Vera, une petite quarantaine d'années, a quelque chose d'attirant et de bienveillant, d'attendrissant. Dimitri Krenov, lui, n'est pas seulement un père avec sa fille, c'est un homme supérieur. Spécialiste des déplacements des plaques tectoniques, il a été l'un des maîtres de ce qu'on appelle la sismographie globale, l'étude des ondes produites par les tremblements de terre à très grande distance pour comprendre la structure de la Terre. Ça va, papa ? Oui. C'est fou le nombre de repas qu'on doit débiter dans les restaurants du paquebot, vous trouvez pas, Vera ? Tiens, à votre avis, à combien on peut estimer le poids des déchets ? Vraiment, j'en ai aucune idée. Vous imaginez le nombre de serviettes et de nappes, la quantité de lessive qu'ils ont dû embarquer avant le départ ? J'ai toujours été admiratif du fonctionnement de ces méga paquebots, comme l'Odyssée. Excusez-moi, un instant. Vous venez de Suisse, c'est ça ? Je me suis installée à Berne très récemment. J'ai un poste dans un grand groupe pharmaceutique. C'est moi qui ai touché le ticket gagnant. J'ai saisi l'opportunité pour partir avec mon père parce que... il y a des moments dans la vie... Oui. Mon père n'est plus très jeune, vous savez. Nous ne nous voyons pas souvent. Et puis... vous avez peut-être remarqué ? Non, Franz n'avait pas remarqué. Remarqué quoi ? Il n'avait pas osé demander. Franz, après ce dîner, avait été ragaillardi. Ça faisait presque une semaine qu'il était là et il ne s'était rien passé. Dès le 3e jour, il s'était arrangé pour ne pas déjeuner et dîner au premier service, parce que toute l'équipe des heureux gagnants s'y donnait rendez-vous. Quel bonheur d'être ici. Vous ne trouvez pas, Franz ? J'avais un petit creux, alors j'ai mangé la dernière pomme. Je suis sorti 20 minutes. Je peux vous appeler Franz ? Eh bien, quand je suis revenu, 3 pommes rouges sont réapparues à l'identique. Les échantillons de savon, à l'aloe vera. Le gel douche, fraîcheur sauvage dans la salle de bain. Et cette grande baie vitrée qui permet de voir la mer sans jamais risquer de prendre froid. Gentils et ennuyeux, les heureux gagnants. Comme le temps qui passe, s'étirant mollement, tristement, s'effilochant lentement dans une maison de retraite. Tout ça était un peu pénible. Le soir, il fallait bien une bouteille pour se remettre, non pas de ses émotions, mais de leur absence. Attention, mesdames. Bonsoir, monsieur, comme d'habitude. Non, ce soir, une bouteille de gin Gordon, s'il vous plaît. Avec un grand bol de glaçons. Bouteille de Jim Gordon et les glaçons. 57. C'est à ce moment-là que les deux étudiantes avaient décidé de venir s'asseoir près de lui. Mais même pas, il nous entend. Tous les soirs, en les voyant se trémousser et draguer des hommes qui auraient pu être leur père, ou des types qui portaient l'uniforme de marin, vous voyez des clichés, ces deux filles sont complètement abruties, se répétait-il. Tous les soirs, Franz était pris d'un horrible désir de vengeance. Il voulait se venger de la vie, se venger des hanches des femmes, se venger des spots couleur lit de vin, se venger de tous ces vieux avec leur tranquille amabilité. Se venger comme s'il avait des raisons pour ça. Lui qui, dans sa vie, n'avait connu que le sort du plus commun des hommes. Franz ! C'est lui ? C'est lui ! Alors ? Alors quoi ? Qu'est-ce que vous foutez toutes les deux ? Ben, on vient vous voir. Vous avez l'air de vous ennuyer. Pas plus que ça. On dirait. Ça vous intéresse ? On se demande, c'est tout. Vous pourriez nous offrir un verre, plutôt que de vous sceller la gueule tout seul. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous m'offrez quoi en échange ? Le droit d'aller me branler en pensant à vous ? C'est ça ? Vous êtes complètement bourré, tueur. Ouais, je vous laisse ma bouteille, il en reste la moitié. Les voir presque se tripoter devant lui, se chuchoter des choses à l'oreille, et se foutre de sa gueule devant lui. Il était furieux, il était saoul, et sous ses pieds, dans les coursives, il sentait comme une vibration, peut-être celle des machines, des moteurs, peut-être la peur de la mort, ou peut-être était-ce la présence du néant, là, sous ses pieds. Oui, la noirceur sous ses pieds, les monstres marins, l'épaisseur glauque et si profonde, si sauvage, si froide, si hostile. Ça va ? Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, oui, je... Ouais, moi, je rentre. Vous êtes perdu ? Non, je... J'ai bien aimé le saumon et les griottes. Le saumon ? Ah oui, notre dîner. Ah ! Ah oui, le dîner, donc je... Le saumon, pardon, j'y étais pas. Si vous voulez, on pourrait peut-être déjeuner ensemble demain. Oui. Si vous voulez, oui, oui, si vous voulez, Franz, bien sûr. Franz. Pardon ? Mon prénom. Je m'appelle Franz, pas Franck. Ah, pardon. Bien sûr. Je suis désolée, c'est que... Excusez-moi, il faut que j'y aille, je suis inquiète. Mon père n'est pas dans sa chambre et... Il est peut-être sorti faire un tour. Oui, mais... Mais ? Il faut que je le retrouve, il est quelque part. Je ne veux pas les prévenir, vous comprenez ? Prévenir qui ? Les gens du bateau. L'infirmerie, le médecin. Les gens, tout le monde. Il ne supporterait pas qu'on sache. Il est très mal, vous savez. Il est... Mais c'est de ma faute. J'aurais jamais dû faire ce voyage. J'ai cru que c'était une bonne idée. J'ai pas écouté son médecin. J'ai écouté personne. Ça va, lui. Je pensais que ce voyage, ça lui ferait du bien. Qu'il était encore temps. Qu'on pourrait enfin se voir, tous les deux, et on veut se parler. Mais... On va aller le chercher. Convaincu qu'Elena, sa femme qui était morte, mais ça il l'avait oublié, effacée de sa mémoire, était restée au restaurant, Krenov, depuis presque une heure, la cherchait. Elena allait se perdre, c'est sûr. Elena allait crier. Elena serait terrorisée. Il avait décidé qu'il fallait aller la chercher tout de suite, plutôt que d'appeler encore Vera, qui, comme d'habitude, mettrait un temps fou à arriver. Et puis, il avait eu soudain l'embryon d'un doute, comme une faille dans ses certitudes. Est-ce que Vera était bien là? Est-ce qu'elle avait bien embarqué avec eux? Il était soudain plus si sûr. Un doute. Un soupçon. Vera. Est-ce qu'elle n'avait pas école demain? Ou bien est-ce qu'elle n'était pas plutôt restée chez sa nounou ou chez sa grand-mère? Il lui a semblé... Mais c'était un rêve. Un drôle de rêve. Que Vera... était adulte. Elle était adulte et Elena n'était pas avec eux. Non, Vera avait... Est-ce que c'était possible? Comme si Vera avait remplacé Elena. Vera, Elena. Alors il avait rejeté cette idée ridicule. Et s'était raffermi en se disant « Il faut y aller, c'est ridicule, tout ça est ridicule. Il faut aller chercher Elena. » Il avait serré et attaché très fermement la ceinture de son peignoir. D'un seul coup, il était au milieu d'un couloir et n'était pas sûr de savoir ce qu'il y faisait. Il ne se souviendrait pas très bien quand il voudrait raconter de comment il était arrivé jusqu'ici. Et déjà, il essayait de se remémorer, oui. C'était ridicule, cette situation, tout ça. Oui, Elena a disparu. Dans le restaurant. Je suis parti la chercher. Je suis parti la chercher. Je suis parti la chercher. Je suis parti. Il faut que je la trouve. Elle va s'inquiéter. Krenov n'avait pas su comment il avait atterri ici, dehors. Comment tout à coup il avait été comme expulsé, jeté sur le pont 12, en pleine froidure. Un froid comme jamais il n'en avait connu, suffocant, agressif, lui attaquant les yeux et le nez, le laissant soudain incapable de respirer. Il avait avancé sur le pont, et soudain dans son esprit, le monde et les idées étaient devenus comme une grande et molle buée blanche d'une étrange et dangereuse présence. Il avait tout à coup complètement oublié d'aller chercher sa femme au restaurant Les 5 Étoiles. Exactement comme auparavant, il avait oublié que sa femme était morte 8 ans plus tôt et que le restaurant Les 5 Étoiles n'était pas sur ce paquebot, sur l'Odyssée, mais sur un autre, d'une autre compagnie. Et s'il avait bien dîné lors d'une croisière dans un restaurant qui avait un nom comme les 5 étoiles ? Ce n'était pas exactement ça. C'était plutôt les 5 étoiles du voyageur. Ou bien la caravelle aux 5 étoiles, non ? Non. Mais le nom flottait sur ses lèvres, il dansait dans sa tête. Et puis soudain... Cette évidence, c'était aux Caraïbes. C'était, il y a bientôt 20 ans, là où la mer n'était pas noire et sombre et triste comme celle du Nord, mais où elle devenait d'un bleu de chlore au fur et à mesure qu'on descendait vers le Sud. C'était avec Elena, en effet. Oui, il avait eu raison. C'était bien avec sa femme, Elena. Elena. Elle était là. Elle était encore avec lui. Et à l'époque, elle portait un bandeau noir et rouge dans son épaisse chevelure grise. Elle portait des lunettes Kenzo. Et pourquoi, bon Dieu, la mémoire vous revient par ces détails insignifiants qui vous déchirent et vous brûlent la cervelle 20 ans après? Elle vous joue des tours, la mémoire. Mais... elle a certaines fidélités, comme de petits points de lumière, auxquels elle s'accroche. Au début, Dimitri Krenov avait marché sur le pont et n'avait pas senti que le froid glacial allait le mettre très rapidement en danger. Il n'avait pas senti le froid parce qu'il s'était soudain approché de la rambarde et avait regardé au loin dans l'obscurité. Un noir total et si vide qu'on dirait que quelqu'un a enlevé le décor. Et puis, si, quand même, on avait fait un petit effort. On avait mis au moins un peu de lumière. Le minimum, vraiment, mais c'était mieux que rien. Un noir moins noir, tout au fond. Puis, en y regardant bien, comme une sorte de bleu nuit au cœur des ténèbres. C'était très sombre, et puis de moins en moins. Des détails apparaissaient. Des petites lucioles couleur de citron vert qui vibraient dans le ciel. C'était très loin, mais il avait d'excellents yeux, Krenov. Il avait toujours eu d'excellents yeux. Et puis un type était apparu. Restez là. Ce drôle de type avec qui il avait dîné le soir même. Il est mort du froid comme ça. Il s'en était souvenu. Enfin, pas tout de suite. Allez avec moi, monsieur. Mais il l'avait vu, le type lui parlant, le prenant, le soulevant, le faisant rentrer dans le bateau, le traînant jusqu'à un ascenseur, en le hissant, le saisissant dans ses bras, disant des choses étranges sur Vera, morte d'inquiétude, Vera, morte de peur. Krenov cherchait, puis il s'était souvenu, ah oui, ce brave type idiot, ils ont discuté ensemble, c'est vrai. Il se souvient, hier soir peut-être, on a dû dîner ensemble, se disait Krenov. Ah oui, dîner. Est-ce qu'on a dîné? C'est ça, ça me revient. On a dîné tous les trois avec Vera. Il s'appelle, je ne sais plus, il est comptable et il vit à Berlin, à Berne, il travaille. À Berne, il nous a dit. Oui, c'est ça, une agence de... à Berne. Vera, entrez. Venez, je suis dans la salle de bain. Venez, mais bon Dieu, venez m'aider. Votre père est frigorifié. Faut le frictionner. Tiens, prenez une serviette, là. Une des grandes. Non, le peignoir, plutôt. Prenez le peignoir, allez, venez. Voilà. Qui a pu me jeter dehors par un froid pareil, dans une nuit pareille? J'ai pas pu me retrouver dehors tout seul. Non, bien sûr que non. Pourquoi je serais allé tout seul dehors avec un froid glacial comme ça, en robe de chambre, sans chaussettes? Quelqu'un a dû me jeter dehors, mais qui? Qui? Qui a pu? Tais-toi, papa. Il faut te calmer. Il faut se réchauffer. Il faut que tu te réchauffes quelques minutes et puis après, on va rentrer. Tu iras te coucher. Si tu veux, je te ferai une tisane. Tout à coup, ils s'étaient mis à les regarder l'un et l'autre. Comme des petits merdeux. Surtout Vera, qui ne ressemblait à rien. Vera, toujours mal habillée. Quel mauvais goût. Vera... sans talent pour elle-même, sans élégance. Elle qui avait été une enfance si lumineuse. Non. Comment on avait pu gâcher une telle enfance? Tu as toujours voulu tout gâcher. Tu n'as jamais su t'habiller, tu n'as jamais voulu. Oui, vous la voyez, depuis l'adolescence. Figurez-vous, une fois, elle s'était rasé le crâne. Vous vous rendez compte? Vous avez des enfants? Vous imaginez, qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire pour qu'elle nous haïsse comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu peux le dire? Tu veux te racheter, c'est ça? Arrête. Maintenant, tu es gentil avec moi parce que tu crois que c'est bientôt fini. Il est bientôt fini, le vieux, c'est ça que tu penses. Tu arrêtes. Tu n'as jamais eu l'élégance de ta mère, tu es lamentable. Avec tes cheveux au beurre, tes pulls, tes jeans. Tu aimes ça? Ça te fait un gros cul. Arrête, papa! Vous aimez ça, vous, une femme avec un cul pareil? Un sacré popotin, non? Ma petite Vera. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Je suis tellement désolée, excusez-moi. Prenez vos affaires et partez. Allez, partez. Allez, maintenant, ça suffit. Il est tard. Il faut que vous rentriez. Viens, s'il te plaît. Vous avez regardé les actualités ce matin ? Il dit actualité. Les actualités, non. Franz n'a pas vu les actualités. Alors vous ne savez pas. Vous ne savez vraiment pas. Pardon ? Le Japon. Quoi, le Japon ? Un séisme. Un séisme énorme. Non, je ne savais pas. Je n'ai pas écouté les infos. Je vais vous expliquer. Parce que c'est très important. Qui est en train de se passer est très important. Oui, c'est comme ça. Le Japon se trouve à la confluence de trois plaques tectoniques. Le Pacifique, les Philippines et la plaque eurasienne. Mais tous les ans, la plaque pacifique glisse de 8 cm sous le Japon. Oui ? Bon, vous comprenez ? Oui. La plaque pacifique frotte la plaque eurasienne et l'entraîne avec elle sous le Japon, vers le bas. Mais de temps en temps, la plaque eurasienne, vous comprenez, elle ne l'entend pas comme ça. Et tout d'un coup, elle remonte. Ah bon ? Ah bon. C'est tout ce que ça vous inspire. Ah bon. Tu vois ça, Vera ? Voilà ce que ça inspire à ce monsieur. Vous ne comprenez pas. La Terre entière... Il y a les cinq continents, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce qui est en dessous. C'est en dessous que tout se joue. Et dessous, voyez-vous, il y a sept grandes plaques qui divisent l'écorce terrestre, plus quelques autres sans importance. Mais bon, elles bougent. Dites-vous bien qu'elles bougent. Elles bougent toutes comme un mécanisme dans lequel il y aurait du jeu, vous voyez ? C'est une vraie horlogerie du désastre, la Terre. J'ai toujours dit qu'elle était vivante. Elle vient de pousser un cri terrible, presque du 9 sur l'échelle de Richter. Du 9, vous vous rendez compte ? Le tsunami va suivre. À l'heure qu'il est, ça doit être fait. Ou c'est peut-être encore maintenant. Vous savez, la plaque rebondit. Et c'est ce qui déclenche une vague. La première vague, elle est forcément assez minuscule, si l'on veut, mais plus elle s'éloigne du point de fracture, et plus elle approche du rivage, plus elle gagne en puissance, elle gagne en force, elle se nourrit d'elle-même, elle génère sa puissance et sa vitesse. Elle peut faire plus de 800 km à l'heure. C'est un monstre, un hyper-monstre, vous vous rendez compte ? C'est fabuleux. La vitesse d'un avion. La puissance que ça dégage. Et ça a l'air de vous faire plaisir. À la télévision, on parle d'une catastrophe terrible. Et lui, ce monsieur nous parle de technique. Et il a l'air si heureux. Et tous ces morts, les milliers de morts. On dirait que c'est un détail, ça ne vous fait rien ? Les morts. Je vous parle d'un mécanisme, madame. Ah ça, on a bien compris que vous étiez très savant. On a bien compris le mécanisme. On a bien compris que ce qui vous intéressait... Attendez, chère madame. Je ne suis pas votre chère madame. Chérie, c'est bon. Ça va être des milliers de morts. Je ne sais pas combien, mais des milliers. Oui. Vous savez... D'ailleurs non, vous ne savez sans doute pas. Mais les Japonais ont l'habitude de ça. Ils savent ce qu'ils risquent. Tu bois, papa, tu bois. Ça va être dans les forêts, papa, s'il te plaît. On trouve des bornes de pierre avec des inscriptions qui datent de plusieurs siècles pour dire que la limite du domaine de la mer, c'est ici. C'est jusqu'ici que les tsunamis peuvent frapper. Ils le savent. Ils savent tout ça mieux que nous, les Japonais. Et ce n'est pas l'océan, ni les tremblements de terre, ni les sismologues qui sont responsables, madame. Pas moi qui suis responsable s'ils construisent des villes entières là où leurs ancêtres savaient qu'il ne fallait pas le faire. Papa, je voudrais que tu manges quelque chose, s'il te plaît. Les images de la catastrophe au Japon défilent sous les yeux de Franz. Le jour est complètement levé. Il prend la télécommande et zappe, zappe, zappe encore. Il revoit 10 fois les images du tremblement de terre. Puis soudain, à l'écran, apparaissent des dauphins qui nagent dans une eau translucide et semblent l'incarnation du bonheur. Il se demande bien quelle heure il peut être aux Bahamas ou en République dominicaine. Est-ce que là-bas, ce n'est pas toujours un peu la même heure? Quand on voit des photos de ces endroits-là, on dirait que c'est toujours la fin de matinée ou le début d'après-midi. Une heure idéale, spécifique au paradis. L'heure de l'éternité parfaite, pleine, épanouie. Et puis il s'endort. Une heure ou deux de sommeil pour espérer se reposer un peu et se laisser aller là où les rêves ont l'air plus doux et paisibles, là où il doit y avoir des hommes et des femmes, mais aussi des gens comme lui. Rien ne pourra interrompre la quiétude de ce moment dont il gardera longtemps la trace, bien après son retour, alors que, le soir même, à peine débarqué, il n'y aura en revanche pas une seconde de quiétude ni d'apaisement pour Salma. Parce que tout commence très mal pour Salma lorsqu'elle arrive le soir du 10 mars à Tel Aviv. Objet de votre visite en Israël? Tourisme. Vous avez des amis ici? Non. Vous êtes hébergé à quel hôtel? Une ONG. Où ça? Jérusalem-Est. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation Louise Loubrieux. Deuxième épisode. Avec Laurent Dolce, Franz, Georges Kless, Krenov, Nathalie Villeneuve, Vera. Et les voix de Charlotte Campana, Myrtille Bordier, Yumi Fujimori, Sébastien Faglin, Iron Picard, Virginie Maillard, Sarah Louis et Olivier Rudavet. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.